Section 26 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Stéphanie. La lecture, tome 6e, section 26. Le général Hugo, par Charles Moncelet. J'ai trouvé un jour en bouquinant sur le quai Voltaire les mémoires du général Hugo, le père de notre grand poète. Cet ouvrage, devenu très rare en librairie, se compose de 3 volumes in octavo. Il parut en 1823, du vivant de l'auteur, chez le fameux L'Advocat, qu'il annonça comme la première livraison d'une publication considérable qu'il voulait entreprendre sous ce titre, Mémoire des généraux français. J'ignore quelle fut la fortune des mémoires du général Hugo. C'était alors une épidémie de mémoire, une inondation de souvenirs historiques. La critique avait fort à faire pour rétablir la part du bon et du mauvais, de l'utile et du frivole. Ce n'était certes point par la frivolité que se faisaient remarquer les mémoires du général Hugo. Au contraire, ils ont une allure rude, une forme brève, quelque chose de précis, qui sent la consigne et la discipline. La part de l'imagination y est nulle. Voici, sous ce rapport, la profession de foi nettement formulée par l'auteur au début de son ouvrage. Les mémoires d'un homme public ne doivent se composer que de ce qui peut intéresser l'histoire ou servir à l'instruction de la classe à laquelle il s'applique plus spécialement. Tout autre détail, comme ceux de la naissance, de l'éducation, des premiers actes de l'enfance, y doivent figurer rarement. Je pourrais cependant, comme un autre, et sans manquer à la vérité, écrire que je dois le jour à d'honnêtes gens, dont rien n'égala mieux les vertus que l'excellente réputation qu'elles leur méritèrent. Je pourrais rapporter, comme marques indicatives, de caractère, quelques combats de collège ou quelques traits taillants de fermeté. Je pourrais enfin parler de mes liaisons, de famille et d'intérêts, mais sans doute on tirerait peu de fruits de ces détails toujours insidieux. Ce système est bien sévère, et, s'il était adopté, il limiterait singulièrement le public des lecteurs. Je crois qu'un peu de détente ne m'essied pas, même en tragédie. Or, les mémoires du général Hugo sont exclusivement stratégiques. Il pousse l'oubli de lui-même jusqu'à dédaigner de faire connaître le lieu et la date de sa naissance. Ce n'est que par la suite des événements qu'on apprend qu'il avait 2 frères, devenus l'un colonel, l'autre général, comme lui. Le général Hugo ne commence son récit qu'à partir de son entrée au service, en 1788. Rien n'était advenu pour lui avant cela. Il fit partie dans les premiers temps de l'armée du Rhin, qu'il quitta pour aller en Vendée avec le grade d'adjudant-major capitaine. Il apporta le plus d'humanité possible dans cette guerre de buissons et de cloches. On le retrouve plus tard à l'état-major de Moreau. Il est nommé chef de bataillon sur le champ de bataille de Dillingen. À Lunéville, il fait connaissance avec Joseph Bonaparte, événement qui devait avoir une grande influence sur son avenir tout entier. Hugo suivit, en effet, la fortune du frère de l'empereur par tout pays. À Naples, il se distingua par la capture de Fra Diavolo. Ce Fra Diavolo n'était pas tout à fait celui de M. Scribe et de l'opéra comique. C'était un chef de partisans plutôt qu'un bandit. Il combattait pour l'indépendance de son pays, ce qui n'a jamais été considéré comme un acte de brigandage. Ferdinand IV l'avait fait duc de Casano. Il avait en outre le grade de brigadier des armées du roi. Il ne fallut rien moins que toute l'énergie et toute l'habileté du général Hugo pour réduire ce Fra Diavolo qui de son vrai nom s'appelait Michel Pessa. Le général, rendant hommage à sa bravoure, aurait voulu avoir pour lui la vie sauve. Il la demanda même au roi. Mais Joseph Bonaparte avait des instructions secrètes et le bandit Fra Diavolo paya pour le patriote Pessa. « J'allais le voir en prison avant sa condamnation, » dit le général dans ses mémoires. Mais, quoique je l'eusse bien vu au combat de Boiano, il ne me reconnut pas. Je l'entendis beaucoup parler de moi avec les personnes qui m'accompagnaient. « Je me serais sauvé, » leur dit-il, sans la vigueur et la persévérance avec laquelle il m'a poursuivi. Fra Diavolo était de petite stature. Son œil était vif et pénétrant. Son caractère, ferme, quelquefois cruel. Son esprit, fin. On dit même cultivé. Cette expédition fit beaucoup d'honneur au général Hugo et commença à populariser son nom. Il semblait pouvoir vivre heureux à la cour de Naples. Joseph Bonaparte l'avait créé maréchal de son palais et commandeur de son ordre. Mais on comptait sans le grand frère de Paris, ce capricieux tyran. Un beau jour, sous son ordre, Joseph dut échanger la couronne de Naples pour celle des Espagnes et des Indes. Le général Hugo suivit Joseph Bonaparte. La partie de ses mémoires qui a trait à son séjour en Espagne abonde en renseignements. On sait combien cette période de l'histoire de l'Empire est hérissée de broussailles. Le général Hugo retrouva en Castille la guerre de Vendée. Là aussi, on lui donna des partisans à traquer dans les montagnes. L'empecinado succéda à Fra Diavolo. Il s'agissait de faire aimer Joseph Bonaparte aux Espagnols. Ce n'était pas facile. En dépit des excellentes qualités de ce souverain de rencontre, chose singulière, on serait plutôt allé vers Napoléon, si brutal qu'il fût. Un trait le prouve, raconté par le général Hugo. Un convoi de prisonniers espagnols fut rencontré par un colonel français, qui leur dit « Criez, vive le roi Joseph !» Les prisonniers crièrent tous « Vive l'empereur Napoléon !» Un seul murmura « Vive le roi Joseph !» Alors un officier espagnol, prisonnier comme les autres, se détacha du convoi et, sans mot dire, alla au malheureux soldat et lui passa son épée au travers le corps. À raconter tous ces épisodes dramatiques, le général perd un peu de son flegme. Nous devons le constater. Je ne dirais pas que son livre est intéressant. Il est indispensable pour qui veut s'instruire dans la guerre d'Espagne. En ces dernières années, les mémoires de Milito sont venues ajouter de nouveaux renseignements à ceux qu'avait apporté le général Hugo. Les deux ouvrages se complètent parfaitement aujourd'hui. Un journal des deux sièges de Thionville, en 1814 et en 1815, pendant lesquels le général Hugo fut rappelé deux fois à la défense de cette héroïque cité, remplit le troisième volume. Les qualités de stratégiste du général s'y montrent dans tout leur éclat. Il ne dédaigne pas de descendre à de petites indications de détails, et particulièrement au moyen de faire parvenir des correspondances en pays ennemi. Ainsi, il recommande les quenouilles des bonnes femmes, les chiens à la peau surajoutée, etc. Mais le mode de correspondance le plus extraordinaire, sans contredit, est la correspondance à l'œil de verre. Lisez cet étrange morceau. Il y a des borgnes qui ont un œil artificiel et creux, en porcelaine, en verre ou en faïence. On le fait scier en deux par un bijoutier. On unit les deux parties à l'aide d'une charnière et d'un ressort, après avoir déposé au milieu des dépêches sur papier très fin. J'ai quelquefois employé ce moyen, et toujours avec un tel succès que souvent mon émissaire causait une demi-heure avec le général ennemi ou ses officiers sans qu'aucun se doutât de ce qu'il avait dans l'œil. Les mémoires du général Hugo s'arrêtèrent à cette date de 1815. Ils sont fort recherchés aujourd'hui et méritent de l'être. Fin de la section 26.